On va parler de football, évidemment, de football collégial. On n'a pas parlé cette année, on va en parler aujourd'hui. Évidemment, c'est les Gaillards de Jonquière ont un nouvel entraîneur. François Laberge n'est plus l'entraîneur-chef et c'est Éric Paquette maintenant qui dirige la formation. Et question un peu de savoir un peu son petit gris. On lui parle. Salut, Éric. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Éric. Grosse chaussure à remplacer, celui-là de François Laberge. C'est quand même pas. C'est quand même. Des grosses pointures à remplacer. Oui, ben François, il a quand même fait un travail, on pourrait dire, exemplaire dans les dernières années. Donc oui, c'est quand même des bons souliers à prendre la place. OK. Éric, si on parlait un peu de toi, t'es un adjoint à... Oui? Ben moi, j'ai commencé premièrement avec les Gaillards en 1997. Fait que OK. j'ai été adjoint et coordonnateur jusqu'en 2004. De 2004 à 2012, je suis tombé entraîneur-chef et je coordonnais encore la défensive. J'ai pris par la suite 5 années de repos de la Ligue. Et puis, je suis revenu en 2018. Fait que ça fait déjà 3 ans que j'étais de retour avec l'équipe comme entraîneur de position. Et là, bien sûr, le fait que François prenne le poste normalement qui était laissé vacant par Steve Dufour, qui est parti à la Ville, fait que le poste de responsable des sports, ben François est un petit peu dans une situation particulière. Entraîner une équipe en particulier et ensuite être le gestionnaire des différentes équipes, ça devenait un petit peu plus difficile pour lui. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que je retrouve en vrai, oui, une grande paire de souliers, mais c'est une paire de souliers que j'avais déjà chaussée. Donc, c'est quand même possible. Trouves-tu qu'il y a une évolution ou un changement du côté des jeunes depuis entre ce que tu étais depuis 2012 et maintenant? Bien, depuis 2012, je dirais un petit peu moins. Si je compare avec les premières années, fin des années 90, les joueurs sont beaucoup plus techniques, sont beaucoup plus aussi, sont plus rapides, sont plus gros, sont plus forts. Par contre, je peux considérer que avant, les joueurs étaient un petit peu plus bruts, plus tough aussi dans ce qu'on leur demandait, mais oui, ce sont plus techniques. Ils ont un meilleur. Meilleure connaissance aussi de la game. OK. Cette année, les Gaillards, vous avez quoi? Deux matchs de jouer jusqu'à maintenant? Trois matchs? On en a fait trois. OK. Défaite contre les Cougars, c'est rare ça. Je me rappelle plus de la dernière fois une défaite contre les Cougars. Ah, oh, c'est arrivé. C'est arrivé à quelques reprises. Puis pour nous, c'est une défaite. C'est pas nécessairement contre qui qu'on l'a perdu. C'est comment est-ce qu'on l'a perdu, je pense, qu'on s'en fait plus avec ça. Quelle sorte d'équipe cette année? Est-ce que les attentes sont aussi élevées qu'avant au Bol d'Or? Donc, c'est pas. Normalement, les Gaillards, il faut quasiment viser le Bol d'Or. Est-ce que c'est. Ben C'est. nous, je dis, puis j'espère que c'est comme ça partout dans la ligue. Nous, ce qu'on espère normalement, c'est de jouer 11 matchs. On en a 8 en saison régulière. Il y en a 3 dans les séries. Fait que nous, on ne parle pas nécessairement du terme bol d'or. Nous, ce qu'on veut faire, c'est gagner le 11e match. Puis on veut être normalement au meilleur de notre football rendu là. Puis j'espère que c'est ça partout au Québec, parce que sinon, tu sais, on se doit d'avoir des attentes hautes. Oui, on en a des attentes hautes parce que dans les dernières années, on a eu quand même beaucoup de succès. On a eu quatre finales consécutives où est-ce qu'on s'est présenté. Puis le but reste le même, même en ayant une équipe extrêmement jeune cette année. Ah oui, ok, c'est une équipe extrêmement. Est-ce que ça a paru que l'année passée, ça n'a pas joué quasiment? Est-ce que ça apparaît dans le. Bon, ça paraît, sauf qu'on ne le prendra pas comme une défaite. Ça paraît partout Non, ben dans la ça ligue. paraît que tout le monde, normalement, là. Oui. Donc, Puis on c'était. voit les joueurs sont plus rouillés en début d'année. Puis on commence vraiment à voir les équipes là, se dérouiller un peu rendu à la troisième, quatrième semaine. OK. Si on parlait un peu de l'équipe, j'imagine ton cahier de jeu, t'as fait en sorte que le cahier de jeu, t'as changé de cahier, t'as mis un cahier de jeu plus simple, quoi? On l'adapte tout simplement. Je veux dire, je pense que qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est oui, garder les choses le plus simple possible. Tu sais, on s'attend en début d'année d'avoir des erreurs d'exécution, C'est pour tout le des monde erreurs aussi, de hein? lecture, des erreurs. Puis c'est normal en début d'année. Je pense qu'il faut être patient avec nos jeunes aussi. Ça fait, tu sais, oui, l'année passée, on a joué un match, mais écoute, ça a été un match. Fait qu'on n'a pas pu prendre normalement on n'a pas pu prendre notre vitesse d'appoint qu'on voulait avoir. Et puis là, ben écoute, en vrai, fait qu'on a 2 ans sans avoir joué. Fait qu'on a nos premières et nos deuxièmes années qui n'avaient peu ou pratiquement pas d'expérience au football collégial. Fait que ça fait quand même un gros stab de jeunes. Tu sais, on a seulement que 8 joueurs qui sont de troisième et quatrième année. Au couteau, ouais. Votre carrière est maintenant avec le Rouge et Or, celui-là qui était là il y a 2 ans, hein? Frédéric Lemens est avec la Rouge et Or présentement. OK. Ça va bien. Puis c'est un vrai combattant. Il n'y a pas beaucoup de. Est-ce que c'était dur à remplacer au niveau du poste de carrière? C'est un poste qui est tout le temps dur à Ouais. remplacer. C'est un gros vétéran qu'on avait. On a présentement un gars de deuxième année qui a pris 3 snaps l'année passée au niveau collégial dans le premier match, ben, dans le seul match qu'on a fait. Et puis, non, il fait bien. On essaie de simplifier les choses. Puis c'est quelqu'un qui est athlétique, il est rapide. Puis là, ben, vu qu'on a simplifié, ben, c'est plus facile pour lui aussi de prendre des bonnes décisions sur le terrain. Puis en faisant ça, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne énormément de confiance, puis il répond. Il prend de la confiance, puis il nous montre des belles choses. OK. Si on parlait un peu des Français, habituellement, tu avais toujours des Français. Est-ce que tu dis que c'est une équipe extrêmement jeune? Est-ce que c'est encore des Français qui sont là? On en a une dizaine à peu près, je OK. pense, c'est pas 12, si je me trompe pas. OK. Et évidemment, c'est une radio, évidemment, c'est un podcast qui vient du haut du lac. Est-ce que tu connais, est-ce qu'il y a plusieurs joueurs qui viennent du haut du lac? Ben, Il y a Marc-Antoine haut Robert, du c'est sûr, là. Marc-Antoine Ouais. Robert, ouais, du haut du lac, on en a un petit peu moins. On a beaucoup de gars qui viennent de la région d'Alma, des environs d'Alma. Mais du haut du lac, non, on n'en a pas beaucoup. Malheureusement, on n'en a Ben pas évidemment, beaucoup. c'est Félicien était une pépinière, hein? Puis là maintenant, ça n'a pas joué, donc, hein? Ben, c'est comme ça, je dirais que c'est comme ça partout un petit peu au Québec, puis partout dans le Saguenay. On n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de joueurs. Oui, il y en a de moins en moins. Puis on s'entend aussi que y a une plus grande maintenant, je pense, ouverture au niveau de l'accès au sport. Pour les jeunes au secondaire, l'offre de sport, elle est tellement grande que ça diminue un petit peu le nombre d'athlètes qu'on a dans chacune de nos sphères. Et puis, le nombre de joueurs, par contre, après ça, qui, eux, décident de continuer au cégep, c'est déjà une chose, mais de jouer au cégep, fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui viennent étudier, mais qui arrêtent de jouer quand même. Fait qu'on a un petit peu c'est pas une problématique. On va dire que c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on trouve une solution. C'est le pourquoi que, normalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre recrutement qui est régional, qui est ici, premièrement. On regarde ensuite au Québec. Une fois que notre recrutement est fait, puis ça, on s'entend, ça, c'est novembre et décembre. Une fois que ça s'est fait, normalement, en janvier, on va en France. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de compléter notre équipe. Nous, on adore nos joueurs français, mais on adore aussi nos joueurs de la région. Le but, c'est d'avoir le plus de joueurs de la région possible. Et on complète normalement avec des petites perles rares qu'on va chercher en Europe. OK. Le temps du COVID, est-ce que c'est quelque chose qui a nui beaucoup à l'équipe? Est-ce que les joueurs sont est-ce que c'est plus lourd comme préparation, ainsi de suite? Je pense que c'est partout au Québec. Je ne parlerai pas seulement Ah non. des Gaillards. Ça a joué, au niveau mental. On a fragilisé beaucoup de jeunes Ah, qui n'ont pas pu avoir accès à leur ouais. sport. Bon, tu sais, on parle de la santé globale, mais la santé mentale, il faut y faire attention aussi. C'est des jeunes qui ont été loin, puis tu sais, le côté sportif, il n'avait plus, le côté Non. social, il n'avait plus. Le côté environnemental, fait que vivre en équipe, puis être, on ne l'avait pas non plus. C'était très tough, puis honnêtement, moi, je lui lève mon chapeau. Ah ouais. Ils sont tough, ils sont vraiment tough. C'est des jeunes très résilients. Et puis, par contre, au niveau de préparation physique, ça a été partout au Québec. On ne pouvait pas s'entraîner en équipe. On ne pouvait pratiquement pas s'entraîner en salle. Fait qu'il a fallu trouver des moyens autres de pouvoir s'entraîner. Mais par contre, oui, le COVID, ça a fait mal. Mais c'est comme ça partout au Québec. Puis, avec la résilience de nos jeunes, là, encore aujourd'hui, on se fait donner différents paramètres au niveau de la salubrité. Puis, t'sais, on s'en fait donner au niveau de l'INSPQ. On s'en fait donner, nous, de la part de notre collège, on s'en fait donner de la part du RSEQ, qui est le réseau du sport étudiant du Québec. On s'en fait donner aussi de Football Québec. Puis c'est pas toujours les mêmes choses qui sortent. Fait qu'on essaie de jongler avec ça. C'est pour ça que je dis que nos jeunes sont extraordinaires. C'est que peu importe ce qu'on leur lance comme défi présentement, eux, en autant qu'ils jouent, ils s'adaptent à tout. Fait qu'à partir de là, c'est une gang incroyable. En tout cas, je sais pas dans les autres équipes comment est-ce qu'ils sont, mais j'en vois beaucoup sur le terrain. Fait que je me dis qu'ils sont à peu près partout pareils. C'est des jeunes qui sont exceptionnels. Imagine-toi, moi je me dis toujours, c'est les jeunes les perdants de tout ça. Là. On les a bâti une dette, on les a bâti en tout cas. On n'est pas un podcast de COVID malheureusement, mais c'est toute une histoire. Oui, Donc, effectivement. merci beaucoup, au plaisir de se reparler. On va sûrement se reparler une couple de fois durant la saison. Mais ça me fait plaisir, aucun problème. L'instructeur des Gaillards de Jonquière, Éric.